Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107FM pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo 107FM. Et oui, ça y est, le week-end commence. Et comme vous avez l'habitude maintenant, le vendredi, c'est le billet de sortie. Alors je répète comme d'habitude que la liste des événements que j'annonce est non exhaustive. C'est un florilège d'annonces, d'événements, de pauses musicales et d'interviews. Bon, pour une fois, j'en aurais fait qu'une. J'ai décidé de faire un peu mon asocial aujourd'hui. Enfin bref, rien n'empêche que j'annonce tous les concerts, festivals, représentations qu'il y a dans le secteur. Et pour les pauses musicales, alors je vais peut-être pas les annoncer sur le moment, mais je peux vous dire lesquelles ce seront, et je pense même dans l'ordre. Donc il y aura Muse pour Undisclosed Desires, puis les Pointer Sisters pour I'm So Excited, et enfin Lana Del Rey pour son morceau Summertime Sadness. Enfin voilà, ça c'est pour l'introduction, hein, comme d'habitude. Et voilà, ça va être l'heure du florilège d'annonces. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. Et on commence ce billet de sortie avec la rubrique concert. Donc on va commencer par vendredi 13 juillet, donc ce soir, à Saint-Amé au Potère-Laca. David Vincent sera en concert au bar de Mag que j'ai reçu lundi. Le concert commence à 20h et l'entrée est tout à fait libre. Le 14 juillet à 20h30 à la place du Bain Romain, John Carey sera en concert aussi à Plombières-les-Bains. L'entrée est tout à fait libre aussi. À l'Estaminet à Vanier, il y a dimanche 18h hein, pour ces apéros barbecue concerts. Donc ce week-end, il y aura Sawani en concert. Donc vous aurez l'occasion de découvrir cet artiste dans une ambiance festive, en plus dans une ambiance de la Coupe du Monde. Enfin bref, hein, allez faire un tour auprès de l'Estaminet à Vanier ce dimanche à 18h. Si j'annonce les événements de l'Estaminet à Vanier, il va sans dire que j'annonce aussi ceux de l'artiste à Golbey. Et pour ça, j'ai eu Steve en interview par téléphone. Donc, je vous laisse l'interview où il vous rappellera tous les événements qu'il y a à venir pour la semaine à venir, tout simplement. Et on retrouve, comme d'habitude, Steve du complexe L'Artiste à Golbey pour annoncer les événements qu'il va y avoir ce week-end dans ton établissement. Bonjour Steve. Bonjour Lou. Alors comment ça va? Ça va bien, une belle semaine ensoleillée, puis la France est qualifiée, tout va bien. Oui, en effet. Et dis-moi, ça continue à bien se passer, j'imagine, pour les événements que tu organises dans ton établissement. Oui, tout à fait. On continue les soirées divertissantes hein, et festives avec ce soir, vendredi. Donc on a en première partie du théâtre, c'est une pièce de théâtre improvisée, ça s'appelle Éphémère. Oui. C'est des amis improvisateurs qui nous viennent d'Épinal, du Remiremont d'ailleurs, et également un ancien qui viennent improviser une pièce de théâtre à partir des mots proposés par le public. Voilà, ça c'est ce soir, donc à 20h30, c'est gratuit, suivi d'une soirée mix dans la salle du bas, dans le caveau, ça sera plutôt mix danse années 90, voilà. Ça c'est en deuxième partie de soirée à partir de 22h. Et demain soir, pour le 14 juillet, on fait un karaoké spécial 14 juillet dans la grande salle. Donc pour les gens qui ont envie de chanter un 14 juillet, n'hésitez pas, le karaoké également, entrée libre demain, samedi. La semaine prochaine, en milieu de semaine, on propose mercredi soir soirée salsa à partir de 20h, où vous allez pouvoir danser dans la grande salle, ambiance salsa, bachata, kizomba. Et entrée libre également, c'est entrée libre de toute façon à chaque fois. Hein. Et jeudi également, karaoké, c'est le karaoké habituel du jeudi, à partir de 20h également, entrée libre. Voilà pour les festivités de ces jours. Ok, et dis-moi, tu peux peut-être rappeler aux auditeurs comment te trouver pour ceux qui sont peut-être encore jamais venus chez toi? Donc le complexe artiste, c'est rue de Lorraine à Golbey, c'est la sortie nord de Golbey en direction de Nancy. Voilà, vous pouvez pas rater, c'est un grand bâtiment sur rose et beige. Ça fait un peu vanifraise, mais c'est bien aussi. Voilà. Ah bah pourquoi pas, comme c'est l'été après tout, peut-être voilà, que les gens auront envie d'une glace italienne. C'est ça. Alors j'en ai pas en stock, mais j'ai autre chose, hein, voilà. Pas de souci, avec plaisir. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup Steve pour cette annonce, pour ces différentes annonces d'événements. J'espère que du monde viendra, mais je pense que il y a toujours du monde qui vient chez toi. Oui, enfin, voilà. Oui, selon les rendez-vous, comme c'est très différent, on a différents publics et d'ailleurs ils se mélangent comme ce soir avec la première partie théâtre et après danse. Voilà, et certains font les deux soirées, donc tant mieux. Toutes les infos aussi, je vous l'avais déjà dit, mais je le répète, www.complexelartiste.com. Voilà, comme ça vous avez tout ce que je vous ai dit là, vous allez pouvoir le retrouver sur Internet. En effet, tu as entièrement raison, Steve, de rappeler les sites Internet et ta page Facebook aussi, L'Artiste Golbey, qui sera taguée sur le podcast de l'émission et puis ton site internet qui sera indiqué. Enfin voilà, je te retiens pas plus longtemps. Hein. Je te remercie et je te souhaite une très très belle journée. Merci à vous. Bonne journée, Gamezo. Merci, bonne journée à toi. Au revoir. Salut. Bien entendu, j'ai pas besoin de rappeler qu'il y aura partout des événements pour le 14 juillet, pour la fête nationale. Toutefois, je sais qu'il y aura un concert au restaurant de la Fabrique à Wesserlin pour la fête nationale du 14 juillet, bien entendu. C'est un concert de jazz manouche pour célébrer le 14 juillet. Le restaurant La Fabrique vous propose un concert de jazz manouche avec Le Chinois et Friends ce samedi à 19h en plein air au restaurant La Fabrique situé juste en face de l'entrée du jardin. Et l'entrée est parfaitement gratuite. Ce que j'ai pas encore annoncé non plus, c'est les jardins en terrasse de Plombières-les-Bains qui proposent des dîners et concerts au jardin en terrasse, bien entendu, pour les nocturnes de l'été. Donc ce vendredi 13 juillet à 20h, ce sera Pot-au-feu qui sera en concert. L'entrée est gratuite et vous pouvez avoir des infos sur www.jardinenterrasse.fr ou au 03 29 37 68 81. On va se diriger vers Raon L'Étape qui organise aussi pour tout l'été des vendredis musicaux sur le quai de la Victoire. Donc ce vendredi à 19h, donc juste à la fin de l'émission, ce sera Mathieu Barbance et sa contrebasse qui fera de la chanson française qui seront sur scène et qui mettront l'ambiance à Raon L'Étape et l'entrée est libre. Puis le 20 juillet dès 18h30, ce sera un grand pique-nique au boulodrome du Robin, toujours à Raon L'Étape, animé par Philippe Toussaint qui est accordéoniste, pardon. Il y a bien entendu pour les pique-niqueurs des tables à disposition, mais sinon la buvette et la restauration sera assurée par des associations de Raon L'Étape pour tous les concerts, donc pour tous les vendredis musicaux. Be On se dirige maintenant vers la rubrique festival. Donc on va commencer par le théâtre en plein air de Raon-l'Étape qui ce dimanche 15 juillet à 17h se dirige vers la chanson festive avec le groupe Hic, donc au lac de Pierre-Percé. L'entrée est gratuite. Et pour vous donner envie, je vais vous annoncer une petite synopsis. Donc comme à l'accoutumée, selon un rituel bien établi, quatre garçons dans le vin se réunissent à l'heure précise pour drinker autour du zinc de fortune. Entre état d'âme et performance liquide, le patron et trois piliers s'amusent à servir chansons festives, musique à danser et tranches de vie gratinées. Jeu de vin, jeu de la vie, un moment burlesque et convivial. Donc ce sera le groupe Hic, dimanche 15 juillet à 17h au lac de Pierre-Percé. Il va sans dire qu'il y a en ce moment à Nancy, pour les amateurs de musique classique, un festival de musique bien entendu classique, les Nancyphonies. Donc je vous annonce les concerts à venir, à commencer par lundi 16 juillet à 20h à la salle Poirel de Nancy, Simon Guirechi, qui est pianiste, hein, donc ce sera une jeune star de la Deutsche Grammophon qui interprète Schumann et des extraits de son dernier disque, Héritage, autour des messes de Villa-Lobos, de Fala et Albéniz. Donc pour Schumann, il va jouer le morceau Humoresque, et sinon de l'album Héritage, ce sera Debussy, Villa-Lobos, Gottschalk, de Fala, Albéniz, etc. L'entrée sera de 10 à 30 euros. Puis mercredi 18 juillet à 18h à l'église Saint-Lambert de Selchamp, ce sera un concert autour de Beethoven animé par Milena Punzi, violoncelliste, et Gian Marina Bonino, pianoforte. Donc autour de Beethoven, ce sera 12 variations sur Ein Mädchen oder Weibchen de la flûte enchantée de Mozart, et sonate pour violoncelle et pianoforte numéro 1, suivi de sonate pour violoncelle et pianoforte numéro 2. L'entrée est tout à fait libre. Puis enfin, pour la semaine prochaine, ce sera jeudi 19 juillet à 17h, toujours pour les Nancyphonies, au kiosque de la Pépinière de Nancy. Ce sera l'heure exquise pour le talent qui n'attend pas le nombre des années, là où des jeunes solistes des Nancyphonies se donneront avec passion pour des moments d'intense émotion, à savourer sans modération à l'ombre d'un grand chêne ou allongé dans l'herbe. L'entrée est bien entendu libre pour cet événement au kiosque de la Pépinière à Nancy, jeudi 19 juillet à 17h. On se dirige vers Remiremont pour son festival Un air d'été, qui organise, hein, pour tout l'été des événements, et pour le samedi 14 juillet forcément, hein, déjà la fête nationale, mais dès 14h ce sera guinguette au salon des mariages à l'hôtel de ville et bal populaire à 21h. Puis feu d'artifice à 22h30. Donc rendez-vous juste à côté de l'église abbatiale ou juste à côté de l'hôtel de ville de Remiremont, hein, c'est juste à côté. Enfin bref, pour le festival Un air d'été à Remiremont. Toujours dans les festivals, on va se diriger vers Épinal pour son festival Épinal Bouge l'été. Et le prochain événement, ce sera mercredi 18 juillet à 15h au Parc du Château pour le duo Comicasa. Donc c'est du cirque et de la comédie avec Karine Alder et Gilly Guérin. C'est un spectacle qui dure 45 minutes et qui est tout public. Et bien entendu, vous le savez, pour Épinal Bouge l'été, tous les spectacles sont gratuits. Et Karine Alder et Gilly Guérin créent une atmosphère unique où rien ne semble impossible par des acrobaties et une utilisation originale des objets du quotidien. Karine a étudié les arts du cirque à Montréal, Gilly a étudié le théâtre à Tel Aviv. Ensemble et individuellement, ils ont organisé des ateliers sur le clown et les arts du spectacle. S'étant rencontrés lors d'un festival en Macédoine, ils forment depuis un couple à la ville comme sur la scène. Ils vivent et travaillent à Bâle, en Suisse, et se produisent partout dans le monde, dans différents festivals. Herman et Henriette, en retard encore une fois, et chargés du ménage, vont devoir sauver la journée, et ils seront heureux de vous présenter leur grand spectacle. Avec un style unique de comédie, le duo Komikaze vous propose une escapade pleine d'amour et d'humour sur la vie de tous les jours. Ce spectacle de cirque inoubliable mêle les chapeaux volants, les équilibres et déséquilibres sur échelle, le jonglage d'objets improbables et une poubelle vont être utilisées comme jamais elles ne l'ont été. Donc rendez-vous mercredi 18 juillet à 15h au Parc du Château à Épinal. S'il y a un autre festival que j'annonce, ce sera le premier festival rétro de Langres. Ce sera à la salle Jean Favre et l'entrée est tout à fait libre. Le thème, ce sera des pin-ups, des dandys, des défilés, des concerts, des stands, de l'animation. Donc, ce sera le 13, 14 et 15 juillet. À la salle Jean Favre à Langres, comme je le disais. Si j'ai eu l'info, c'est parce que Création Sans Scholar Time sera sur place. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est 50s, rétro et chic, n'hésitez pas à aller faire un tour à Langres pour le festival rétro. S'il y a un festival qui n'en est pas à sa première édition, c'est les Pluralies de Luxeuil-les-Bains qui d'ailleurs en arrive à sa 17e édition. Et cette année, les Pluralies auront lieu du 18 au 21 juillet. Et pour le programme du festival, hein, c'est pas difficile, je vais vous le faire. Donc ça va commencer mercredi 18 juillet, donc l'inauguration officielle se fera. Puis à l'auberge de l'Abbaye, ce sera chansons françaises autour de la petite semaine. C'est un spectacle gratuit à l'heure de l'apéro, suivi au cloître à 21h30 de Gauvin Serre, qui fait aussi de la chanson. Les tarifs, plein tarif 20€, abonnés 15€ et tarif famille, donc 2 adultes et 3 enfants de moins de 16 ans, 70€. Puis on arrive au jeudi 19 juillet à l'auberge de l'Abbaye à 19h. Elmira qui fait de la musique gitane et du flamenco, encore une fois un spectacle gratuit, suivi à 21h30 au cloître de l'artiste Slimane. Et là, pour les entrées, donc c'est encore une fois plein tarif 28€, abonnés 22€, tarif famille 2 adultes, 3 enfants de moins de 16 ans, 100€. On se dirige vers le vendredi 20 juillet, toujours pour le festival Les Pluralies à Luxeuil-les-Bains. Vendredi 20, je disais, à 19h à l'auberge de l'Abbaye, Krachta Valda qui fait du jazz manouche, encore une fois un spectacle gratuit, suivi au cloître à 21h30 de Giedré Elle et Jean qui fait de l'humour. Et là, l'entrée est en plein tarif de 10€ ou pour les abonnés de 7€. Et aussi en parallèle à 21h30. Au Cardinal Jouffroy, ce sera Walking Therapy, donc du théâtre. L'entrée est en plein tarif 10€, abonnés 7€ et tarif famille 25€. Puis samedi 21, et ce sera la dernière journée des Pluralies, à l'auberge de l'Abbaye à 19h, ce sera Molly Skis qui fait du folk glamour. Encore une fois, spectacle gratuit. Suivi au cloître à 21h30 du doux supplice de la planche, donc ce sera du cirque cette fois, et les entrées c'est plein tarif 10€, abonnés 7€, tarif famille 25€. Et enfin The Walking Therapy qui se reproduira au Cardinal Jouffroy le 21 juillet à 21h30, je crois que j'ai oublié d'annoncer les prix d'entrée, donc plein tarif ce sera 10€, puis abonnés 7€ et tarif famille 25€. Donc ça c'est pour les Pluralies, et pour plus d'informations n'hésitez pas à aller sur le site www.lespluralies.net ou appeler au 07 69 93 55 32. Le plateau ivre de Vanier débute son théâtre de verdure, hein, son festival. Donc ça a lieu tout l'été et je peux déjà vous annoncer les événements qui auront lieu du 18 au 20 juillet. Donc du 18 au 20 juillet, ce sera la décentralisation dans les cours de ferme. Donc ce sera du théâtre, un casse-départ par la compagnie Le Plateau Ivre, un spectacle sur le développement durable et la sobriété. Deux personnages se retrouvent projetés dans un nouveau monde face à leur manie quotidienne. Sont-ils prêts pour ce grand voyage? Retour à la casse-départ. Sera interprété par Morgane Demant et Sébastien Poirot. Le texte et la mise en scène sont de Hélène Tisserand et Pierre et Marie Paturel. L'entrée est de entre 10 et 8 euros. Et les représentations, donc ce sera mercredi 18 juillet à 15h à Vanier, donc à la ferme Duc, donc à Crémanvillers, 20 route de Remiremont. Puis le jeudi 19 juillet à 15h à Gerbamont, donc au GAEC du Lejol, 15 route de la Chapelle. Puis vendredi 20 juillet à 15h à Saulsure-sur-Moselotte, sur le GAEC des Cônes du Frêne, 2233 route de l'Envers des Graviers. Donc ça c'est pour une partie du théâtre de verdure de la compagnie Le Plateau Ivre de Vanier. On se dirige maintenant vers la rubrique spectacle avec, pour commencer, la compagnie Toc Toc qui, mardi 17 juillet, fera une représentation du Renard et l'Oiseau à Gérardmer à 14h30, puis à 16h et enfin à 17h30 au kiosque du Lac. Puis 18h, ce sera toujours le mercredi 18 juillet, je vais y arriver, toujours la représentation Le Renard et l'Oiseau à Épinal. Ce sera un spectacle chez l'habitant. Je vous refais encore une fois la synopsis, donc la musique commence et étend son tapis moelleux, les contes s'y posent délicatement et invitent le public au voyage. Les aventures d'un oiseau plein de volonté, les facéties d'un renard embauché pour un curieux travail, des histoires teintées de poésie, d'humour et de petits frissons qui toucheront petits et grands. La musique est jouée en direct et issue du répertoire des musiques traditionnelles de Suède ou bien d'Irlande avec des emprunts à la musique baroque. Avec Alice Vuillemont au conte et au nickel harpa, puis Marc Alieri au conte et à la mandoline. L'accompagnement artistique sera de Michel Hindenock et le spectacle dure 45 minutes et est tout public pour les enfants à partir de 5 ans. On se dirige vers le Théâtre du Peuple qui, les 14, 15 et 19 juillet, feront des représentations à 15h de la pièce intitulée « Le Littoral » de Wajdi Mouawad, mise en scène et scénographiée par Simon Délétan. Et pour la synopsis, eh bien, laissez-moi vous la lire. Wilfried, apprenant la mort de son père, se met alors en quête d'un lieu de sépulture. Il ne sait pas encore qu'il se lance dans une aventure qui le mènera au fondement même de sa propre existence. Fouillant la mémoire et le passé, faisant se côtoyer les vivants et les morts, mêlant comédie et tragédie, cette pièce au souffle épique, écrite par l'un des plus grands auteurs du répertoire contemporain, sera portée sur scène par 18 comédiens, professionnels et amateurs. Et comme je le disais, pour en savoir plus, donc ce sera les 14, 15 et 19 juillet à 15h dans la grande salle du théâtre. Le spectacle dure 2h30 et l'entrée pour la pièce coûte entre 8 et 25 euros pour le Théâtre du Peuple. Le week-end dernier, j'ai eu droit à un spectacle de Hang dans les jardins de Wesserlin et j'ai appris que tous les week-ends, il y a un spectacle et ce week-end, ce sera un spectacle de bulles de savon dimanche 15 juillet puisque chaque dimanche, comme je le disais, et durant tout l'été pour la durée du festival des jardins métissés, donc jusqu'au 14 octobre, le jardin de Wesserlin propose des animations dans ses jardins. Dimanche 15 juillet, donc, ce sera un spectacle de bulles de savon par Sébastien Kaufmann. Rendez-vous à 14h dans les jardins de Wesserlin et l'entrée est payante, hein, bien entendu, un billet unique avec jardin, musée et grande chaufferie. Le prix pour adultes, c'est 9,50€. Enfants de 6 à 18 ans ou étudiants, c'est 5€. Et c'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Si vous êtes tenté par des spectacles de magie, eh bien allez au Val d'Ajol samedi 14 juillet pour une grande journée de prestations pour Jimmy Pascal. Il fera un concert duo As de cœur, suivi d'un show de magie scène de grande illusion et enfin un show hypnose de spectacle. Ce sont des prestations inoubliables pour une journée unique placée sous le signe du grand spectacle. Donc rendez-vous samedi 14 juillet au Val d'Ajol et pour plus d'informations, allez sur la page Facebook de Jimmy Pascal. Et on va s'arrêter bientôt, mais dernier événement à annoncer, ce sera dimanche 15 juillet 2018 à Saulxures-sur-Moselotte. Donc au lac, ce sera une beach party, feu d'artifice, soirée barbecue et écran géant. Donc au programme à 14h, ce sera une beach party sur la plage avec Michael Animation, donc DJ, jeu, animation et ambiance garantie. Puis à 17h sur le grand écran, diffusion de la finale de la Coupe du Monde et après ce sera terminé. Puis à 19h30, un barbecue géant à la brasserie des terrains du lac. C'est sur réservation. Je vais vous donner dans quelques instants le numéro pour la réservation. Et pour ceux qui veulent réserver un repas, hein, ça coûtera à partir de 23 euros par adulte et 11,50 euros par enfant de moins de 12 ans. Et après ce barbecue, avec ce barbecue, il y aura aussi un bal populaire animé par l'orchestre Fusion. Et enfin, à 23h, un spectacle polytechnique et des feux d'artifice. Et pour plus d'informations, allez sur le site www.lac-moselotte.fr. Ça y est, vous avez entendu le générique, vous avez l'habitude. Donc on arrive maintenant à la conclusion de l'émission. Et donc, juste après, à 19h, vous aurez le droit d'écouter la nouvelle et je crois dernière édition de l'Action Slam que la radio aura organisée. La radio est le collectif des radios locales vosgiennes. Puis, à partir de 21h, c'est Vivre et créer la montagne avec Vincent. Suivi de minuit à 1h, la rediffusion de la bulle de l'IA qui a reçu ce midi une globetrotteuse et créatrice d'objets en cuir qui se fait appeler Les Yeux Grands Ouverts. Et la rediffusion de l'émission, bien entendu, demain matin de 7h à 8h. Et pour les curieux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera en podcast sur la page Facebook Radio Guémozo ou sur le site internet radioguémozo.eu, rubrique L'heure des loups. Puis demain, donc samedi à 8h30, ce sera Les Vosges samedi de Hélène. Puis à partir de 10h, ce sera Musette Partie avec Cyril Renaud. Toujours samedi, cette fois l'après-midi, rediffusion du billet de sortie, donc de 19h à 20h. Puis à 21h, ce sera Rock à la Casbah, suivi de minuit à 2h, la rediffusion de Memento Mori de jeudi. Puis enfin, pour dimanche, ce sera la rediffusion de Musette Partie avec Cyril Renaud à partir de 7h. Puis à 10h, ce sera Salut les 60 avec Gérard. Puis J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique, toujours dimanche à 16h, suivi à 18h de la rediffusion des Années Bonheur de Gilou de jeudi. Et enfin, pour clore le week-end, à partir de 22h, ce sera Jazz Time, suivi d'une heure et demie de musique jazz. Et on se retrouvera lundi 18h-19h de bonne humeur. Je vous annonce pas encore mon invité de lundi, je vous laisse un petit peu la surprise. Mais bon, en attendant, j'espère que vous savez quoi faire pour ce week-end. Je vous remercie beaucoup de votre attention, je ne vous retiens pas beaucoup plus longtemps. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve lundi. Au revoir, bonne soirée et bon week-end à tous.